quand on va à la mosquée, les femmes, on ne les voit pas. Mmh. Ils sont cachés derrière là-bas. Mmh. On est entre nous les hommes. Tu imagines, moi, je vois dans une église, il y a le tam-tam, les femmes et les hommes sont ménagés, ça crie, je dis, attends, on est où là? Tu vois, c'était trop fort pour moi. Mmh. Voilà, c'est que je me disais que les musulmans ont raison. Mmh. Tu vois? Mmh. Mais avec le temps, j'ai vu que vraiment, Dieu n'est pas compliqué, c'est l'être humain qui est compliqué. Mmh. Quand lui, il quelque part, soit ma maman préparée avec gombo, moi je dois faire gombo, gombo, gombo, gombo. Il ne cesse pas à évoluer. Mmh. Tu vois? Hier, j'étais assis comme ça sur Facebook, il y a une révélation qui est venue dans ma tête. Il y a un gars qui a balancé la Mecque. Tu vois la Mecque là? Mmh. Où ils vont faire les pèlerinages là. Mmh. Il y a un truc où ils font le tour de ça. La Kaaba. La Kaaba, voilà le Kaaba. Mmh. On dirait que c'est 7 fois ou c'est combien de fois il faut faire. Mmh. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu dans mon pensée. J'ai dit, je comprends. Ça dit, c'est les gens, c'est comme ils cherchent à sortir. Mmh. Le tout là même là. C'est pas simple. On dirait qu'ils sont pris par la main du diable. Mmh. Il est fait tourner sur eux-mêmes. Il est fait tourner. C'est quelques-uns qui vont s'en sortir. Mais moi, c'est une révélation qui est venue. Paf! Le frère Ali Dzera, tout ce que tu dis là, si les musulmans t'attrapent là, ils vont, vont décréter la fatwa contre toi. Oui, moi, je n'ai pas peur. Mm. Parce que je sais comment je vais les parler. Mm. Ok, parle-les ce soir. Parle-les maintenant. Parle-les directement. Parle-les. J'ai discuté avec. J'ai discuté avec beaucoup de choses, tu vois, les fanatiques des banlieues de Paris, là, et c'est les wash-wash même, et ils ne veulent rien savoir. Mm. Voilà, et quand, moi, je les ai croisés, je travaille avec beaucoup aussi. Mm. Il dit, tu t'appelles Ali, il dit, oui, mais tu, quand il dit ça, moi, je n'attends pas, il dit, je suis chrétien. Mm. Il dit, mais pourquoi? Toi, tu t'appelles Ali, tu es devenu chrétien, pourquoi? Ils n'acceptent pas. On discute, après il se lève, il prend les chemins. Moi je me lève jamais. Mmh. Ça dit quelque donc, part. C'est lui qui fuit alors. Voilà, il fuit. Ça, après il a compris que non, tu peux rien faire. Comme Jésus t'a dit. Si tu vois quelqu'un vient par moi, c'est le Père qui a décidé. Mmh. Amen. Moi avant je voulais faire ça avec ma propre force, hein, mmh. avec mon intelligence. Au bout de temps, je ne maîtrise pas bien la parole. Mmh. Je rentre dans le discours comme ça. Je vais les faire venir vraiment. Il me dit, mais on est libre, il y a des croix. D'autres même me disent ça. Mm. D'autres même me disent, il n'y a pas Dieu. Mais après tout le temps, j'ai commencé à comprendre que mais moi, je vais aller à ma force. Là, d'abord, j'ai l'humilité, mon intelligence, j'ai l'humilité. Mm. Peut-être que je peux prier seulement pour le monde, que Dieu même touche chacun. Mm. Moi, j'ai regardé un témoin d'un chétain Ali, qui tape Ali à la Mecque. Mm-hmm. Oui, qui celui qui a été converti, qui a été converti justement pendant le pèlerinage à la Mecque, là, Ali. Allez, voilà. Tu n'as pas fait cela, oui. Merci. Sois béni, frère. Quand j'ai vu ça, j'ai balancé ça à mes frères. Mes frères m'ont dit, non, c'est les gens, on leur donne l'argent pour faire des trucs. J'ai dit, mais qui a le temps de donner l'argent à les gens pour faire des trucs comme ça? Mm. Même quand j'étais petit, c'est comme ça. Quand j'écoutais les trucs, quand j'ai demandé à mes frères, mais ça c'est quoi? J'ai dit, non, c'est les blancs qui leur donnent l'argent de monter un truc comme ça, de mentir. Mm. Mais à la longue, j'ai vu que c'est faux. Qui a le temps de donner l'argent à quelqu'un de mentir? Tu veux mentir? Donc les musulmans mentent comme mentent en leur nom. Non. Il dit, celui qui donne sa vie en Jésus, tu sais que la personne a son témoignage. Oui. Quand il fait un témoignage comme ça, soit ça à la radio, quand tu écoutes, moi, à l'époque, en Côte d'Ivoire, il y a un musulman même, Adama Oumoussala. Mm. Son papa était l'imam, lui, il a donné sa vie. Mm. Je me rappelle, mais en 80, combien, mais c'est encore petit. Quand il a écouté ça, il a dit à mon grand frère, il a dit, mais tu connais le gars là-bas, on le connaît un peu, la famille. Mm. Moi, mais il fait l'école coranique dans sa famille. Mm. Ses parents même, c'est les musulmans vraiment qui l'ont construit, mais les mosquées, tout ça. Mm. Mon grand frère m'a dit, non, faut pas l'écouter. Lui, là, les blancs lui ont appelé à côté, lui, ont donné une somme, c'est le cas, il fait ça. Donc, il faut comme ça pour dénigrer le témoignage pour vous empêcher de suivre, quoi. Voilà. Donc, les musulmans, les musulmans sont les menteurs. Ouais. Mais c'est le menteur, puis le diable même c'est qui d'abord? C'est le père des mensonges. Voilà. Lui, il est lui. Voilà. Donc ça veut dire que le diable, c'est le père des musulmans. Voilà. Moi, en termes, je ne peux pas les dire ça pour les blesser, mais si ça ne va pas, moi je dis, pour qu'il réfléchisse. Moi-même, je suis la route des frères juniors. Si on m'avait parlé d'affaires de christianisme, je ne crois pas. Mais moi, tellement j'étais curieux, je suis allé chez les bouddhistes. Quand les bouddhistes m'ont dit, je suis quitté là-bas. Mm. J'ai donné ma vie en 2008. J'ai dit, je vais tester. Mm.